Lock Willow, le 19 juin. Cher papa Faucheux, j'ai fini mon éducation. Mon diplôme est dans le dernier tiroir de la commode avec mes deux plus belles robes. La distribution a eu lieu comme d'habitude, avec quelques ondées au plus beau moment. Merci pour votre envoi de boutons de rose. Ils étaient délicieux. Monsieur Jervy et Monsieur Jimmy m'ont aussi chacun donné des roses, mais j'ai laissé les leurs dans le tube et j'ai porté les vôtres pendant le défilé des classes. Me voici à Lock Willow pour y passer l'été, et peut-être pour toujours. La pension est bon marché, l'ambiance est paisible et bien appropriée à une vie littéraire. Qu'est-ce qu'un pauvre auteur peut désirer de mieux ? Je suis folle de mon livre. J'y pense à tout instant de la journée et j'en rêve la nuit. Tout ce que je demande, c'est la paix, la tranquillité et beaucoup de temps pour travailler, coupé de repas nourrissants. Monsieur Jervy viendra pour une huitaine, en août, et Jimmy McBride passera me voir dans le courant de l'été. Il est dans les affaires de bourse à présent et voyage pour placer des valeurs dans les banques. Il va dans la même tournée visiter la Farmers National, aux Corners et moi. Vous voyez qu'à Lock Willow, on ne manque pas absolument de société. J'avais bien l'espoir de vous voir ici au cours d'un de vos voyages en automobile, mais je sais maintenant que cela ne se réalisera jamais. Du moment que vous n'avez pas voulu venir à la distribution des diplômes, je vous ai arraché de mon cœur et je vous ai enterré pour toujours. Je joue à botte, A, B. Le 24 juillet. Papa Faucheux, chéri. N'est-ce pas amusant de travailler, mais peut-être ne travaillez-vous jamais. C'est surtout amusant quand le travail qu'on fait est ce qu'on aime par-dessus tout. Chaque jour, cet été, j'écris aussi vite que ma plume pouvait marcher. Et le seul reproche que je fasse à la vie, c'est que les journées ne sont pas assez longues pour permettre de noter toutes les belles, précieuses et agréables pensées qui me viennent à l'esprit. J'ai fini la seconde copie du brouillon de mon livre et demain matin à 7h30, je commencerai la troisième. C'est le livre le plus délicieux que l'on ait vu. Voilà qui est sûr. Je ne pense qu'à lui. J'ai à peine la patience de m'habiller et de déjeuner avant de m'y atteler. Et j'écris, j'écris, j'écris, jusqu'à ce que tout à coup, je tombe de fatigue. Alors je sors avec Colin, le nouveau chien de berger. Je cours à travers champs et j'emmagasine de nouvelles idées pour le lendemain. C'est le plus beau livre qu'on puisse rêver. Oh pardon, je l'ai déjà dit. J'espère que vous ne me trouvez pas prétentieuse, papa chéri. À la vérité, je n'ai aucune prétention, mais je suis à présent dans la période d'enthousiasme. Plus tard, peut-être, je deviendrai froide, difficile et dédaigneuse. Mais non, ça n'arrivera pas. Cette fois-ci, j'ai écrit un vrai livre. Attendez un peu et vous verrez. Je vais essayer pour un moment de vous parler d'autre chose. Je ne vous ai jamais dit, n'est-ce pas, qu'Amasai et Carrie se sont mariés en mai dernier. Ils travaillent toujours ici, mais d'après ce que je vois, le mariage les a gâtés tous les deux. Autrefois, lorsqu'Amasai entrait les souliers pleins de boue ou faisait tomber des cendres par terre, elle riait. Maintenant, il faut l'entendre gronder. Elle ne se frise plus au petit fer. Et Amasai, qui battait si complaisamment les carpettes et portait le bois, bougonne si on fait la moindre allusion à cette besogne. Ses cravates sont maintenant sombres, noires et marrons, quand autrefois elles étaient rouges et violettes. Je suis décidée à ne jamais me marier. Évidemment, le mariage gâte tout. Pas grand-chose de nouveau à la ferme. Les bêtes se portent toutes très bien. Les cochons sont plus gras qu'à l'ordinaire, les vaches paraissent contentes et les poules pondent. Est-ce que la volaille vous intéresse ? Si oui, je vous recommande un petit ouvrage remarquable, 200 œufs par poule et par an. Je rêve d'acheter une couveuse artificielle au printemps et d'élever des poulets pour la broche. Vous le voyez, je suis à Lock Willow en permanence. Je suis décidée à y rester jusqu'à ce que j'aie écrit 114 romans, comme la mère d'Anthony Trollope. J'aurai alors achevé ma mission et je pourrai prendre ma retraite et voyager. Monsieur James McBride a passé dimanche dernier avec nous. Au dîner, poulet sauté et glaces à la vanille. Il a paru se régaler. J'étais très contente de le voir. Il m'a rappelé un instant que le monde existe encore. Pauvre Jimmy, il en voit de dur en essayant de placer ses valeurs. Le Farmers National, au Corners, ne veut pas en entendre parler, malgré les 6 et quelquefois 7% d'intérêt. Je crois qu'il finira par rentrer chez lui à Worcester et accepter un emploi dans la fabrique de son père. Il est trop droit, trop confiant. Il a trop bon cœur pour réussir comme financier. Mais la position d'administrateur dans une florissante fabrique de pardessus n'est pas à dédaigner. Qu'en dites-vous ? Pour l'instant, il méprise les pardessus, mais il y viendra. J'espère, étant donné la crampe de l'écrivain, que vous goûterez cette longue lettre. Mais je vous aime toujours, papa chéri, et je suis très heureuse. Avec un beau paysage, beaucoup à manger, un lit à colonnes des plus confortables, une rame de papier et un demi-litre d'encre, que peut-on désirer de plus au monde ? À vous, comme toujours, Joujou. Post-scriptum. Le facteur vient d'apporter encore des nouvelles. M. Djervy arrivera vendredi prochain pour passer 8 jours avec nous. C'est une très agréable perspective, mais j'ai peur que mon pauvre livre n'en souffre. M. Djervy est très exigeant. Le 27 août. Cher papa Faucheux, où êtes-vous ? Je me le demande. Je ne sais jamais dans quelle partie du monde vous vous trouvez, mais j'espère que ce n'est pas à New York, par cet abominable temps. J'aime à croire que vous êtes sur le sommet de quelque montagne, pas en Suisse, moins loin, contemplant la neige et pensant à moi. Pensez à moi, s'il vous plaît. Je suis très seule, et je voudrais qu'on s'occupe de moi. Oh, papa, comme j'aimerais vous connaître. Et si jamais nous étions malheureux, nous pourrions nous consoler l'un l'autre. Je crois que j'aurai bientôt assez de Lock Willow. J'ai l'intention de déménager. Sally, cet hiver, compte s'occuper à Boston de colonisation. Ne croyez-vous pas que ce serait une bonne chose pour moi de l'accompagner ? Dans ce cas, nous pourrions avoir une chambre d'études en commun. J'écrirai pendant qu'elle colonise et nous passerions nos soirées ensemble. Les soirées sont bien longues lorsqu'il n'y a que les Saint-Paul et Carrie et Amasai à qui on puisse parler. Je sais d'avance que vous n'aimerez pas mon idée d'une chambre d'études. Je lis déjà la lettre de votre secrétaire, Mademoiselle Jerusha Abbott. Madame, M. Smith préfère que vous restiez à Lock Willow. Mes hommages respectueux, Elmer H. Griggs. Je le hais, votre secrétaire. Je suis sûre qu'un homme qui s'appelle Elmer H. Griggs doit être horrible. Mais vraiment, papa, je crois qu'il faut que j'aille à Boston. Je ne puis rester ici. S'il n'arrive pas bientôt quelque chose, je me jetterai de désespoir dans le fossé. Miséricorde, qu'il fait chaud. Toute l'herbe est brûlée. Les ruisseaux sont secs et les routes poussiéreuses. Voilà des semaines et des semaines qu'il n'a pas plu. Cette lettre vous fera peut-être croire que je suis atteinte de la rage, mais je ne le suis pas. J'ai seulement besoin d'un peu de famille. Au revoir, papa chéri. Je voudrais tant vous connaître. Joujou. Lock Willow, le 19 septembre. Cher papa, il est arrivé quelque chose et j'ai besoin d'un conseil. Je l'attends de vous et de personne autre au monde. Me serait-il possible de vous voir ? Il vaut bien mieux parler que d'écrire, et j'ai peur que votre secrétaire n'ouvre ma lettre. Joujou. Post-scriptum. Je suis bien malheureuse. Lock Willow, le 3 octobre. Cher papa Faucheux, votre petit mot, écrit de votre propre main, et d'une main qui tremblait pas mal, est arrivé ce matin. Je regrette tant que vous ayez été malade. Si je l'avais su, je ne vous aurais pas ennuyé avec mes petites affaires. Oui, je vous dirai de quoi il s'agit, mais c'est plutôt compliqué à écrire et absolument personnel. Ne gardez pas cette lettre, je vous en prie, brûlez-la. Avant de commencer, voici un chèque de $1,000. Cela paraît drôle, n'est-ce pas, que ce soit moi qui vous envoie un chèque ? D'où croyez-vous que je le tienne ? J'ai vendu mon roman, papa. Il va paraître en feuilleton, en 7 parties, et ensuite en volume. Vous allez croire que je suis folle de joie, mais je ne le suis pas. Je reste indifférente à tout. Cependant, je suis contente de commencer à vous rembourser. Je vous dois encore plus de $2,000. Cela viendra par à-compte. Maintenant, ne soyez pas abominable, je vous en prie, pour ce qui est d'accepter cette somme. Je suis si heureuse de pouvoir vous la rendre. Je vous dois bien plus que de l'argent. Et le reste, je continuerai à m'en acquitter toute ma vie, en gratitude et affection. Et maintenant, papa, l'autre question. Vous qui connaissez le monde, donnez-moi s'il vous plaît un conseil sans vous demander s'il me plaira ou non. Vous savez que j'ai toujours éprouvé un sentiment particulier pour vous qui représentez pour ainsi dire toute ma famille. Mais vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas, si je vous dis que j'ai un sentiment beaucoup plus particulier pour un autre homme. Vous pouvez probablement, sans grande peine, deviner qui je veux dire. Je crois bien que depuis longtemps, j'ai beaucoup parlé de M. Djervy dans mes lettres. Je voudrais pouvoir vous faire comprendre quel homme il est et comme nous nous entendons bien, nous avons les mêmes idées sur tout. Je crains d'avoir une tendance à accommoder mes opinions aux siennes, mais il a presque toujours raison, naturellement, puisqu'il a 14 ans d'avance sur moi. En dehors de cela, c'est un grand enfant dont il faut s'occuper. Il n'a pas l'idée de mettre des caoutchoucs quand il pleut. Lui et moi, nous nous accordons à trouver drôles les mêmes choses, ce qui est capital. Rien de plus terrible qu'un conflit en matière d'humour. Je ne crois pas qu'aucun pont puisse franchir cet abîme. Il est, en somme, il est lui-même. Il me manque, me manque, me manque. Le monde entier, quand il n'est pas là, me paraît vide et souffrant. Je hais le clair de lune parce que c'est un beau spectacle et qu'il n'est pas là pour le voir avec moi. Mais peut-être avez-vous aussi aimé quelqu'un et vous comprenez. Si oui, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Sinon, je ne saurais le faire. Quoi qu'il en soit, voilà ce que j'éprouve et j'ai refusé de l'épouser. Je ne lui ai pas donné de raison. Je suis restée tout simplement muette et malheureuse. Je ne savais que dire. Et maintenant, il est parti, s'imaginant que je veux épouser Jimmy McBride. Épouser Jimmy, je n'y ai pas pensé un instant. Il n'est pas assez grand garçon. Mais Monsieur Gervie et moi, nous nous sommes embourbés dans les malentendus et nous nous sommes fait de la peine l'un à l'autre. Ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas que j'ai décliné son offre, mais parce que je l'aimais trop. J'avais peur qu'il n'eût des regrets plus tard et je n'aurais pas pu le supporter. Il ne me semblait pas juste qu'une fille de parents inconnus comme moi puisse s'allier avec une famille comme la sienne. Je ne lui ai jamais parlé de l'orphelinat et il m'était pénible de dire que j'ignore qui je suis. Peut-être suis-je terrible, vous savez, et sa famille est fière. Moi aussi, je suis fière. D'ailleurs, j'ai des obligations envers vous. J'ai été élevée pour être écrivain. Je dois essayer de le devenir. Ce ne serait pas de jeu d'avoir accepté l'instruction que vous m'avez fait donner, puis de partir sans en faire usage. Mais maintenant que je vais être en mesure de payer ma dette, je me sens partiellement dégagée. D'ailleurs, rien ne m'empêche d'être auteur si je me marie. Il n'y a pas nécessairement incompatibilité entre les deux professions. J'ai réfléchi à fond là-dessus. Sans doute, il est socialiste et il a des idées à lui. Il se peut qu'il ne craigne pas de se marier dans le prolétariat. Quand deux personnes s'accordent parfaitement, qu'elles sont heureuses ensemble et malheureuses lorsqu'elles sont séparées, peut-être auraient-elles tort de laisser un obstacle s'interposer entre elles. Bien entendu, j'ai besoin de croire cela. Mais j'aimerais que vous me donniez votre avis impartial. Vous appartenez probablement à une famille. Vous envisagerez la question au point de vue mondain et non au point de vue de la sympathie humaine. Vous voyez comme il faut que je sois brave pour tout vous dire. Supposez que j'aille le trouver et que je lui explique que l'obstacle n'est pas Jimmy, mais bien l'asile John Greer. Serait-ce une chose formidable de ma part? Il me faudrait une fameuse dose de courage. J'aimerais presque mieux être malheureuse pour le reste de ma vie. Tout ceci s'est passé il y a près de 2 mois. Je n'ai pas reçu un mot de lui depuis son départ. Je commençais à m'acclimater, à m'habituer aux sensations d'un cœur brisé, quand vint une lettre de Julia qui m'a toute remuée. Elle disait en passant que pendant une de ses chasses au Canada, l'oncle Gervie était resté toute une nuit sous une pluie d'orage et qu'il avait pris une pneumonie. Et je n'en savais rien. Je m'étais froissée de ce qu'il avait disparu sans un mot. Je crois qu'il est malheureux et je sais que je le suis. Qu'est-ce que je dois faire? Joujou. Le 6 octobre. Bien cher papa Faucheux. Oui, certainement, je viendrai mercredi prochain à 4h30. Soyez tranquille, je trouverai bien mon chemin. Je suis allée déjà 3 fois à New York et je ne suis plus un bébé. Je ne puis pas croire que je vais vraiment vous voir. Il y a si longtemps que je pense à vous sans vous avoir jamais vu, qu'il m'est à peine possible de me figurer que vous soyez une personne véritable, en chair et en os. C'est très charmant à vous, papa, de vouloir bien vous occuper de moi avant votre complet rétablissement. Soignez-vous bien et ne prenez pas froid. Ces pluies d'automne sont très perfides. Affectueusement, Joujou. Post-scriptum. Je viens de penser à quelque chose de terrible. Avez-vous un maître d'hôtel? J'ai peur des maîtres d'hôtel. Et si un de ces êtres-là m'ouvre la porte, je suis capable de me trouver mal sur le seuil. Que lui dirais-je? Vous ne m'avez pas appris votre nom. Puis-je demander Monsieur Smith? Jeudi matin. Mon très cher monsieur, Gervie, papa Faucheux, Pendleton, Smith. Avez-vous dormi la nuit dernière? Moi pas. Pas un instant. J'étais trop stupéfaite. surexcitée, bouleversée et heureuse. Je crois que je ne dormirai plus jamais, ni ne mangerai non plus. Mais j'espère que vous avez dormi. Il le faut du reste, parce qu'alors vous guérirez plus vite et vous pourrez venir auprès de moi. Il m'est insupportable de penser que vous avez été si malade et que je n'en ai jamais rien su. Quand le docteur m'a reconduite hier à ma voiture, il m'a dit que pendant 3 jours, on avait perdu tout espoir. Oh, mon aimé, si ce malheur était arrivé, la lumière aurait pour moi disparu du monde. Je suppose qu'un jour, très loin dans l'avenir, un de nous devra quitter l'autre. Mais au moins, nous aurons eu notre bonheur et les souvenirs dont on peut vivre. Je voulais vous donner du courage, et c'est moi qui en ai besoin. Je suis plus heureuse que je n'ai jamais rêvé de l'être, mais je suis plus grave aussi. La crainte que quelque chose ne vous arrive jette comme une ombre sur mon cœur. Auparavant, je pouvais être frivole, gaie et insouciante, parce que je n'avais rien de précieux à perdre. Mais maintenant, j'aurai un grand, gros souci tout le reste de ma vie. Quand vous serez loin de moi, je penserai à toutes les automobiles qui pourraient vous écraser, à toutes les enseignes qui pourraient vous tomber sur la tête, à tous les terribles microbes frétillants que vous pouvez être en train d'avaler. Fini pour toujours ma tranquillité d'esprit, mais je n'ai jamais beaucoup tenu à ma tranquillité pure et simple. Guérissez-vous, je vous en prie, et vite, vite, vite, je veux vous avoir tout près de moi, afin que je puisse, en touchant votre main, être bien certaine que vous existez. Quelle courte demi-heure nous avons passée ensemble. J'ai peur parfois d'avoir rêvé. Si je n'étais qu'un membre de votre famille, une cousine éloignée au 4e degré, j'aurais le droit de venir vous voir tous les jours, vous faire la lecture, arranger vos oreillers, faire disparaître ces 2 petites rides de votre front et faire naître au coin de votre bouche un gentil sourire. Mais votre belle humeur est revenue, n'est-ce pas ? Vous l'aviez retrouvée hier, avant que je parte. Le docteur a dit que je devais être une bonne garde, car vous aviez rajeuni de 10 ans. J'espère que l'amour ne rajeunit pas tout le monde de 10 ans. M'aimeriez-vous encore si je revenais à l'âge de 11 ans ? Hier a été la plus merveilleuse journée qui puisse être vécue. Si j'arrive à 99 ans, j'en aurais pas oublié le moindre détail. La jeune fille partie de Lock Willow à l'aube ne ressemblait en rien à celle qui est revenue le soir. Madame Simple m'avait appelée à 4h30. Je suis sortie dans l'obscurité, bien éveillée, et la première pensée qui m'a traversé l'esprit était « Je vais voir Papa Faucheux ». J'ai pris le petit déjeuner à la cuisine, à la lueur d'une bougie, puis je suis montée en voiture pour aller à la gare et j'ai filé pendant 5 miles parmi les splendeurs d'un paysage d'octobre. Le soleil s'était levé sur ma route. Les érables et les cornouillers étalaient des teintes d'or rouge. Le givre brillait en pierreries sur les murs et les champs de blé. L'air était vif, clair et plein de promesses. Je savais que quelque chose allait arriver. Dans le train, pendant tout le trajet, j'entendais les rails me chanter « Tu vas voir, Papa Faucheux ». Cela m'a donné une sensation de sécurité. J'avais une telle confiance dans l'habileté de Papa Faucheux pour arranger les choses. Je savais qu'il se trouvait quelque part un autre homme, plus cher encore que papa, qui désirait me voir. Et j'avais, je ne sais pourquoi, la sensation qu'avant la fin du voyage, je le rencontrerais lui aussi. Vous voyez bien. Lorsque je suis arrivée devant la maison de Madison Avenue, je l'ai trouvée si grande, si sévère, si imposante, que je n'osais pas y entrer. Et j'ai fait le tour du pâté de maison pour me donner du courage. Mais je n'avais vraiment pas besoin d'avoir peur. Votre maître d'hôtel est un si bon vieux, si paternel, si gentil, que je me suis sentie tout de suite comme chez moi. « Mademoiselle Abbott ? » interrogea-t-il, et j'ai répondu « Oui ». Et ainsi, je n'ai pas eu besoin de demander M. Smith. Il m'a dit d'attendre au salon. C'était une pièce très sombre, magnifique, arrangée par un homme. Je me suis assise sur le bord d'un grand fauteuil, me répétant tout bas « Je vais voir Papa Faucheux, je vais voir Papa Faucheux ». Au bout d'un instant, l'homme est revenu et m'a prié de monter à la bibliothèque. J'étais si troublée que c'est à peine si je pouvais mettre un pied devant l'autre. Arrivé à la porte, il s'est tourné vers moi et m'a dit à l'oreille « Il a été très malade, mademoiselle. C'est le premier jour qu'on lui permet de se lever. Vous ne resterez pas trop longtemps ?» J'ai vu à la manière dont il a dit cela qu'il vous aimait bien. Et j'ai pensé que c'est un excellent vieux. Puis, après avoir frappé, il a dit « Mademoiselle Abbott ». Je suis entrée et la porte s'est refermée derrière moi. Venant du hall où régnait une vive clarté, la pièce me parut si sombre que pendant un instant, je ne distinguais rien du tout. Enfin, je vis un grand fauteuil devant le feu, une table à thé brillante, avec une petite chaise à côté. Dans le grand fauteuil tout rembourré d'oreillers, un homme était assis, une couverture sur les genoux. Avant que j'aie pu l'en empêcher, il s'est levé, chancelant quelque peu et en se tenant au dos de la chaise. Il me regarda sans dire un mot. Et alors, j'ai vu que c'était vous. Et même à ce moment-là, je n'ai pas encore compris. Je croyais que papa vous avait demandé de venir pour me faire une surprise. Puis, vous vous êtes mise à rire, vous m'avez tendu la main et vous avez dit « Chère petite joujou, vous ne pouviez donc pas deviner que c'était moi, papa Faucheux ?» Subitement, je vis clair. Oh vraiment, j'ai été trop bête. 1000 petits riens auraient dû m'éclairer si j'avais eu un peu d'intelligence. Je ne ferais pas un bon détective, n'est-ce pas, papa ? Jervy, comment faut-il vous appeler ? Jervy, tout court, ne me paraît pas très respectueux et je ne pourrai jamais vous manquer de respect. Quelle délicieuse demi-heure avant que votre médecin ne soit venu me dire de m'en aller. J'étais tellement troublée quand je suis arrivée à la gare que j'ai failli prendre le train pour Saint-Louis. Et vous aussi, vous étiez troublée. Vous aviez oublié de m'offrir du thé. Mais nous sommes tous les deux très, très heureux, n'est-ce pas ? Je suis rentrée à Lock Willow en pleine nuit, mais comme les étoiles brillaient. Ce matin, je suis allée avec Colin visiter tous les endroits que vous et moi avions vus ensemble, me rappelant tout ce que vous aviez dit et vous revoyant sans cesse dans ma pensée. Les bois, aujourd'hui, sont de cuivre et d'or, et l'air est piquant. Il fait un temps à grimper sur les collines. Que n'êtes-vous là pour grimper avec moi ? Vous me manquez terriblement, mon Jervy, mais votre absence même est pleine d'espoir. Nous serons bientôt ensemble. Nous nous appartenons maintenant, réellement et vraiment pour de bon. N'est-ce pas bizarre que j'appartienne enfin à quelqu'un ? Quelle sensation exquise ! Quelqu'un ? Quelle sensation exquise ! Et je ne vous laisserai jamais avoir un instant de regret. À vous, pour toujours et toujours. Joujou. Post-scriptum. C'est ma première lettre d'amour. N'est-il pas drôle que j'aie su m'en tirer ? Ici se termine Papa Faucheux de Jean Webster.